L'actualité à Nancy et ailleurs. Nejma, association de culture algérienne, organise un stage d'Herbouka spécial rail les 25 et 26 mai. Ce sera à la MJC Lillebonne. Rachid Afiane, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association Nejma. Première question, tout simplement, c'est quoi le Derbouka ? Le Derbouka, c'est un instrument de percussion qui est très connu dans les musiques algériennes. Ce stage, il va être animé par le percussionniste et compositeur franco-algérien Salim Beltitane. Oui, c'est un spécialiste, un professionnel de percussion, mondial d'ailleurs. Et là, on va travailler spécialement sur la musique raï algérienne. Comment on peut caractériser cette musique algérienne ? Cette musique est née en Algérie dans les années 70. Elle a connu son apogée internationale dans les années 90. Et entre autres, là, on va travailler sur un rythme bien particulier, qui est Zoujouhba. Les percussions tiennent une place vraiment importante dans le raï ? Ben oui, puisque ça donne cette énergie à cette musique. Alors j'ai vu que le raï aussi a été inscrit en tant que patrimoine culturel universel de l'UNESCO en 2022. Oui. À qui va s'adresser ce stage donc de Derbouka ? C'est tout public, connaisseur ou pas. Après, on adaptera selon le public, s'il est averti ou pas. Et ça se passera à l'MJC Lillebonne, hein, c'est ça ? MJC Lillebonne, oui. Les 25 et 26 mai, sur un week-end, c'est les après-midi, de 14h à 17h. Avec une petite pause pour lui. Et donc, c'est l'association Nejma, une association de culture algérienne que vous présidez. Et quelles autres actions vous menez au cours de l'année en dehors de ce rendez-vous prochain ? Nous proposons régulièrement un groupe de chant andalou, toujours à l'MJC, que ce soit les initiés ou pas. C'est très ouvert, tout le monde peut y participer. Pour le prochain stage, donc le stage de Derbouka spécial rail les 25 et 26 mai, comment faut-il faire pour s'inscrire aujourd'hui ? Soit se connecter sur notre page Facebook, Nejma Grand Nancy. Vous y trouverez l'événement correspondant avec les liens pour la billetterie. Soit sur notre page aussi Hello Association, il y a une billetterie spéciale pour ça. Soit nous appeler ou se rapprocher de la MJC Lillebonne pour s'inscrire. C'est très simple, on peut aller sur la page Facebook, la page LOSO, on vous contacte, on vous appelle et on en sait encore plus. Merci beaucoup Rachid Afiane. Merci. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.